dedans aujourd'hui pour cette première émission d'Assemblage requis. Notre chroniqueur François Landry vient nous parler d'actualité politique et un résumé des gadgets les plus utiles ou ridicules dans la capsule CNX. Assemblage requis, ça commence là. Et bonjour et bienvenue à cette toute première émission d'Assemblage requis. Je m'appelle Mathieu Plante. Et je m'appelle Kiwan. Salut Matt. Salut Kiwan. On va t'appeler Ki. Ki? Ki? Ben Kiwan, voyons. Et bienvenue à cette première émission tout le monde. Bienvenue à Assemblage requis, notre émission du retour à C'est fou. Oui, c'est la toute première aujourd'hui. On étreint notre nouveau thème musical qu'on avait donc hâte d'essayer puis de jouer. Ben, La fébrilité était là et maintenant elle va continuer pour le reste de l'année parce qu'on va être toujours en direct avec vous du lundi au jeudi de 15h à 17h. Aujourd'hui en particulier, on va avoir une chronique politique de François Landry. Il va venir nous parler de ce qui se passe là, en politique. Oui, ça c'est aux alentours de 16h20. On va avoir aussi une chronique gadget. Absolument, chronique CNX. C'est la chronique la plus geek de la radio. On va parler gadget cette semaine. Mais pour l'instant, on commence ça en musique. Oui, on peut même commencer en annonçant déjà un truc qu'on va avoir demain à l'émission. Manquez pas l'entrevue avec Éléphantine qu'on a réalisée aujourd'hui, qu'on vous présente demain. Entrevue pour la sortie du nouvel album d'Éléphantine, Bonheur en 3D. Et on l'écoute tout de suite. Voici une clope, un café à Assemblage requis. Une clope, un café, c'est parti pour la journée. Patrick Watson et la pièce Beijing. Vous savez, l'album Wooden Arms à Assemblage Rocky. Ben oui, puis l'émission avait commencé avec, avec Elephantine. Puis comme je le disais un petit peu plus tôt, là, au début de l'émission, j'ai fait une courte entrevue avec Julien Simard, le bassiste de Elephantine, parce qu'ils ont lancé leur nouvel album. Ça s'est fait la semaine passée. Donc, une petite entrevue qu'on va vous présenter demain, manquez pas ça, aux alentours de 4h le mardi. Une petite entrevue avec Elephantine. Oui, on va essayer de faire ça le plus souvent possible, des entrevues avec des artistes qui passent dans le coin ou qui font la promotion d'un album. C'est toujours un de nos objectifs à cette émission qui se veut un peu culturelle, pas plus que les autres, mais c'est quand même notre vocation. Hein? Ouais. Ouais. Hey, en passant, allez voir assemblagerequis.com si vous voulez en savoir plus sur ce qui s'en vient dans la prochaine émission. Sinon, Kiwan, tiens, on vient de commencer et on sait même pas parler jazz. Ben non, on sait pas trop parler encore. Qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine, mon Kiwan? Ben moi, j'ai été plutôt tranquille. Je sais pas si tu te souviens, la semaine dernière, pour ceux qui étaient à l'écoute à peu près à la même heure jeudi passé, on avait une entrevue aussi avec le groupe Chien Dent. T'es allé? Ouais, je suis allé faire un tour vendredi dernier. C'était au Charlot aussi, voir Chien Dent. C'était assez tranquille, mais en même temps, c'était en plein festival de blues. Donc, ils ont comme profité un peu de la manne qu'il y avait dans le centre-ville. Là. Il y avait quand même une espèce de hype. Même si je sais pas juste hein, s'il y avait tant de fans de blues au festival de blues, mais j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de passants. Il y avait du monde en tout cas, c'est sûr. Ouais. Mais je sais que ça a créé un trafic assez important dans le centre-ville. Puis il y avait quand même pas mal de monde, je dirais, pour Chien Dent. Un groupe pas si connu qui normalement aurait passé pas mal inaperçu. Là. Il y avait quand même pas mal de monde au Charlot pour voir Chien Dent. C'était cool. Là. C'est un rock mi-folk, mi-garage. Là. C'était sympathique. Cool! On aime ça. Le Charlot, c'est une belle place en plus pour faire des spectacles comme ça. C'est sympathique, c'est proche des gens. Ouais, avec une bonne bière là, de micro. Ils en ont plein à cette heure. Ils ont tellement de bière au Charlot. Miam, miam, miam, miam. Sinon, on a vu tous les deux Les Pieds dans le vide, le film. Ben oui, Pete, as-tu aimé ça? J'ai adoré ça, moi, sérieusement. Ouais. J'avais lu des commentaires disant que c'était un petit peu mélodramatique, mais j'ai apprécié pas mal les surprises, surtout. Il se passe beaucoup d'affaires là-dedans, disons. Ouais, ça t'a-tu donné le goût de sauter? Pas sûr que je suis assez brave pour ça, moi. Ah non, ouais, moi j'ai le goût, là. Toi qui as fait de la décalade. Ben, tu vois, j'ai fait de la décalade suite à la au visionnement du film Les Pieds dans le vide. C'est pas tout à fait comme du parachute, là. Ça a rien à voir, finalement, avec du parachute. Mais moi, j'ai peur des hauteurs, puis ça me fascine quand même. J'aime ça. C'est pour ça que peut-être un jour, là, bientôt, en fait, j'aimerais ça sauter en parachute. Mais ouais, la décalade, là, je suis avoué de mettre mes vidéos là, sur l'assemblagerequis.com. Il va falloir. Ça sera pas bien long, ouais, c'est ça. Puis sinon, on va s'arranger pour en reparler à l'émission, là, avec peut-être des gens plus informés que moi, là, pour vous parler de décalade. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est un nouveau sport, pas très connu quand même, mais c'est sûr qu'on en reparle, le décalade, bientôt. Soyez là toujours du lundi au jeudi, vous allez en entendre parler. On va retourner en musique avec un autre très bon bloc, comme toujours, on va juste faire ça, nous autres, des bons blocs. C'est extrait du palmarès, ça, ce bloc-là. Commençons avec Malajube et la pièce Cristobal. Vous êtes à l'Assemblage Hockey! 89.1 FM. C'est fou! Vous venez d'entendre Au Bijou et la pièce Black Ice à Assemblage Requis. Et c'était très bon. C'était très, très bon. Comme toujours. C'est vrai, vous êtes à Assemblage Requis, l'émission du retour, du lundi au jeudi à 15h avec lui, Kiwan, et moi, Mathieu. Hein? Oui, et maintenant, c'est l'heure de ta chronique, Mathieu. Oui, à chaque jour de la semaine, je vais parler de technologie. Ça s'appelle CNX. Ça dit peut-être quelque chose. Ouais, donc si vous voulez vous prendre une petite note dans votre agenda, ça va toujours être aux alentours de 15h20. Donc, à tous les jours. Tous les jours. Et aujourd'hui, ben en fait, je vais expliquer le concept quand même de la chronique CNX, technologie, c'est vrai. Mais à l'intérieur de cette chronique CNX, il va y avoir des sujets différents. Comme je faisais à l'émission CNX et comme je vais toujours le faire à CNX.zip, dont on parlera plus tard. Mais il va y avoir plusieurs thèmes. Par exemple, aujourd'hui, ben ça va être les gadgets. Donc des gadgets qui m'ont impressionné cette semaine et qui, Yoann, peut-être que ça va t'impressionner aussi, peut-être que tu vas trouver ça vraiment ridicule. Ben, vas-y voir. J'ai hâte de voir ce que tu vas en penser. Commençons par un magasin en ligne qui s'appelle Exploded Store, qui offre des t-shirts et des posters avec de vieux gadgets dessus, mais en version explosée. Un peu comme dans, peut-être que vous avez vu sur le site de assemblagerequis.com, le dessin de la radio explosée en différentes parties. Ça vous dit, les vis vont là, et là, il y a des lignes qui suivent la vis, qui sont comme à l'extérieur du gadget. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Genre, le gadget est en morceaux, éparpillé. Ça vous dit comment c'est assemblé. Un peu comme un schéma, là. Un peu comme un schéma. Eh bien, sur explodedstore.com, on retrouve, par exemple, une Atari 2600, une Boombox, un iPhone, le vieux Zapper de la NES, une 360, même un vieux iPhone à la mode steampunk, tu sais, où c'est des gadgets du présent, mais qui sont faits comme s'ils étaient dans le passé, genre des années de des moteurs à vapeur. Des 8 pistes, une guitar. Tu sais, un clavier, sitar, guitar. Malade. Plein d'autres choses comme ça, c'est sur explorethestore.com et ça parle sur le site dans la section FAQ, hein, que c'est les vrais intérieurs de vrais équipements. Donc, ils achètent des articles sur eBay ou sur Craigslist et les défont en morceaux avec des outils spéciaux. Ils photographient les morceaux et ensuite les rendent en dessin dans Illustrator. Donc, si maintenant quelqu'un voudrait s'en servir pour vraiment réparer son iPhone ou quelque chose, ça pourrait être utile aussi. Là. C'est éducatif, quand même. Plus. Ça, c'est sur des t-shirts, c'est ça? Des t-shirts ou des posters. OK. C'est vraiment très cool. C'est explodedstore.com. Évidemment, les liens vont être sur assemblagerequis.com. Continuons avec un autre gadget stupide, mais en même temps tellement le fun. C'est pour faire des biscuits en forme de Lego 2x2. C'est deux morceaux par deux morceaux. C'est vraiment un petit genre de rouleau que tu passes sur de la pâte à biscuits, sur n'importe quoi d'autre, du fudge. Ça te fait des morceaux de Lego. Cool. On gagne là-dessus, c'est tout le monde gagne. Ça s'appelle Rolling Cookie Cutter. C'est via le site Nitorama. Donc, tu peux te faire finalement plein de biscuits, puis après ça, les assembler, faire une maison en bloc Lego avec tes biscuits. Ou le logo d'assemblage requis. Ça fitrait tellement bien, un logo d'assemblage requis en fudge. Ce serait malade. Malade. Prochain gadget qui vient de device.com, j'adore ça, c'est une cartouche de NES, encore une fois une vieille cassette de jeux vidéo, toute une génération a grandi avec ça, mais dans ce cas-ci c'est un disque dur externe, donc dans le fond c'est un vendeur sur internet qui s'appelle 8-Bit Memory, il prend des vieilles cassettes de NES, met un disque dur à l'intérieur, fait un petit trou sur le côté pour un port USB et bam, ça fait un disque dur externe, ça coûte 120$ pour 250 Go, mais il peut le faire de n'importe quelle grandeur, ben n'importe quel format de disque dur et n'importe quelle cassette pour une charge additionnelle. Ouais, puis en même temps, ça rouvre la porte à plein d'autres choses. Après ça, il n'y a plus de limite dans le fond. Ben non. T'sais, l'idée est bonne parce que ça rapporte, c'est une cassette, c'est drôle, mais après ça, il n'y a pas de limite. C'est sûr qu'il va y avoir des compagnies qui vont sortir tout plein d'articles comme ça en forme de. Plein de choses pour mettre avec ton disque, quoi. Un marteau dedans, ouais, n'importe quoi. Ouais. T'sais, une ceinture avec un disque dur dedans, t'sais, comme ça, t'as même pas besoin de te déshabiller puis t'as déjà de la mémoire. En tout cas. Un autre article de device.com, invention absolument brillante, c'est la première tasse à café intelligente du monde qui réussit à garder votre café à la température parfaite pendant 30 minutes. Et là, ça ne refroidit jamais, ça vous donne pas du liquide tiède, mais ça garde toujours au chaud. Ce que ça fait, c'est que ça utilise une substance qui ressemble à de la cire entre les murs d'une tasse de porcelaine. Ça absorbe et ça émet ensuite la chaleur du café qui était chaud au début pour garder la température constante avec de la porcelaine. J'en veux. Tout le temps chaud. Tout le temps. Ouais, mais est-ce que t'as vraiment besoin de garder ton café chaud pendant 30 minutes? Moi personnellement, quand j'achète un café, je suis impatient puis je trouve que c'est trop long avant qu'il soit plus chaud. T'sais, donc, je veux absolument pas le garder chaud pendant 30 minutes. Vraiment pas. Moi, je suis genre à savourer de jusqu'à la dernière goutte très tranquillement. Ah. Voilà. C'est là qu'on est différent. Un petit peu. Sinon, il y a un appareil complètement stupide, mais en même temps, tellement le fun. Ça enlève un petit peu le mot portable à un portable, c'est ce que je trouvais comme désavantage, mais c'est le G-Screen, qui est un laptop qui cache un écran secondaire derrière son écran principal. Donc, c'est un portable que tu ouvres et là, il y a deux écrans qui sortent. Ça multiplie la zone que vous avez pour placer vos affaires, vos têtes de chat, n'importe quoi. Ça vient avec un modèle 15.4 pouces qui fait environ 12 livres. Hein? Ça va être sur Amazon en décembre. Les premières unités vont avoir des écrans 16 pouces et 17 pouces aussi. Beaucoup trop cher et beaucoup trop lourd pour un portable. Mais bon. Si vous voulez travailler avec deux écrans. T'sais. Parce que 12 livres, c'est juste l'écran. Là. Non, c'est le portable au complet. Une chance. Chance. Mais au moins, c'est ça. T'as pas à transporter un écran additionnel. Ça vient dans le même gadget. Si vous avez 44 pieds carrés d'espace chez vous et que vous êtes capable de lever 75 livres dans les airs, déjà bravo à vous. Mais vous pouvez acheter l'Aroma Steam Capsule, hein, qui peut être assemblé en environ 10 minutes. Ça se connecte à n'importe quel mur et il y a de la vapeur là-dedans qui peut aller jusqu'à une température de 115 à 130 degrés. Donc c'est un sauna, un spa portatif. Malade. Ça prend environ 5 à 10 minutes pour se réchauffer. Vous mettez de l'eau distillée qui conseille et puis ça fonctionne super bien. Ça coûte 2375$. Ah, c'est ridicule. Et puis les derniers, on va les faire rapidement. Il y a un t-shirt Two Girls One Up. Je sais pas si ça s'appelle le Two Girls One Cup. Ouais. C'est pas à conseiller, hein. Non. Quand tu vois ça, tu peux pas revenir en arrière, hein. Ouais, mais bon, tapez-le et allez voir le t-shirt Two Girls One Up qui est une parodie de ça. C'est très très drôle. Et puis je vais poster tout le reste des choses. Il y en a 5-6 comme ça que je trouvais intéressant sur assemblagerequis.com. Parfait. Voilà. Et ça, ben, c'était la chronique CNX pour aujourd'hui. Là, on parlait de gadgets, mais au fil du temps, à travers les jours qui passeront ici à Assemblage Requis. On va parler de sites web, on va parler de logiciels, il va y avoir des critiques de jeux, un paquet d'autres choses comme ça. Toutes les chroniques qui s'en viennent dans cette grande roulette CNX sont aussi sur assemblagerequis.com. Voilà qui fait le tour, Kiwan. Donc, on se retrouve demain pour la prochaine chronique CNX. On fait comme si on se quittait, là. Ben, au revoir, Kiwan. On ne se quittera pas vraiment, mais bon. Non. Voilà, CNX. Et puis, je vous rappelle aussi l'émission qui va rassembler toutes ces chroniques du lundi au jeudi. Ben, les chroniques vont être ensemble dans une heure. Dans une portion d'une heure, les lundis matins à 10h, ça s'appelle cnx.zip et il y aura plein de contenu additionnel. Et je me la ferme pour cette chronique-là. C'est tout. On retourne en musique, Kiwan. On s'en va entendre tantôt ben, d'autres affaires. En fait, on commence par Bonjour Brumaire. Bonjour Brumaire et la pièce Ne dit jamais Fontaine. Bon, c'est à Assemblage Requis et on est avec vous jusqu'à 17h. Et si nos montres s'arrêtaient demain, de battre nos ardeurs ferait tout aussi bien. Nos secondes ont le pied à l'étrier, et c'est plus que certain. Et si tu renonçais en hésitant, au lieu d'accepter en serrant les dents, la scène semble inscrite au calendrier, ça n'a rien d'innovant. Ne t'en fais pas, tout ira pour le mieux. Ne t'en fais pas, tout ira pour le mieux. Tout ira pour le mieux. Mais ne dis jamais Fontaine. Ne dis jamais Fontaine. Le temps fera le reste. Et si tu t'ennuyais de ma voix, sache qu'au bout d'un fil, elle se tiendra. Les nuits sont longues assez pour oublier ce que l'on ne voudrait pas. Et si tu renonces en serrant les dents, au lieu d'accepter d'un pas hésitant, et l'air prostré face au calendrier comme tout bon dénouement. Ne t'en fais pas, tout ira pour le mieux. Mais ne dis jamais Fontaine. Ne dis jamais Fontaine. Le temps fera le reste. Ne dis jamais Fontaine. Ne dis jamais Fontaine. Oh. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Et si tu ne casse pas les serres du temps, tout ira trop bien. Et si tu ne casse pas les serres du temps, tout ira trop bien. Ne dis jamais fontaine. Ne dis jamais fontaine. Le temps fera le reste. Le temps fixera les gestes. Ne t'en fais pas, ma belle. Ne dis jamais. Écoutez Assemblage Requis jusqu'à 17h. C'est fou dans vos oreilles. 89.1. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui.

Gatineau et chanteur masqué à Assemblage Requis. Oui, Gatineau qui prépare un nouvel album. Hein. Ils se sont donnés il y a un an à peu près pour faire ça, puis ils font des petites apparitions surprises ici et là. Sous d'autres noms, entre autres. Oui, c'est ça. J'ai pas entendu parler récemment là, qu'il y a un spectacle de Gatineau, mais c'est à surveiller. Pour ceux qui aiment Gatineau, là, surveillez attentivement pour avoir des petites apparitions surprises là, comme ça, ici et là. Avant ça, on a entendu un petit peu de slam poésie. On rappelle encore une fois la finale du concours. Ben oui, c'est ce soir, c'est à l'Embuscade, c'est à 20h. Bon, voilà pour ça. On va continuer avec un autre bloc musical. Nous, on aime faire ça short et rapide de même. On y va en musique encore une fois. On commence avec du Metric. Oui, tout de suite, du Metric et la pièce. Gold Guns Girls. Vous êtes assez fous. On n'est pas timés pas en tout. On ne se regarde même pas. Vous êtes à l'assemblage Reiki. Qui want tes fun? Toi aussi. Ah, oh, c'est fun. Jusqu'à 17h, Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Le Monarque et la pièce rouge, c'est sur le palmarès francophone ça, cette semaine. Juste avant ça, on avait entendu Metric avec Girls, Guns, Gold ou dans un autre ordre peut-être, là, mais c'est trois mots-là. À peu près. Qu'est-ce qui s'en vient plus tard, Kiwan? Ben, dans quelques minutes, de l'autre côté de la pause, en fait, il va y avoir la chronique d'actualité politique de François Landry. Oui, c'est dans quelques minutes. Dans minutes. Minutes, c'est beau. Je voudrais insister sur minutes. C'est Assemblage Requis jusqu'à 17h. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fous. Et bon, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis, l'émission du retour diffusée du lundi au jeudi de 15h à 17h. Et c'est Kiwan et Mathieu avec ce son. Kiwan, au pluriel, je pense qu'on dirait même. Hein? Au pluriel. Oui. Donc on est là, c'est pas mal ça. Hein? On est là et on est deux. On n'est pas la même personne, Mathieu. Non, je ne suis pas toi, tu n'es pas moi, même si des fois, nous ne faisons non. qu'un. Non, non. Non, vraiment pas. Wow, tellement pertinent. On retourne en musique tout de suite, hein, parce qu'on aime ça. La chronique politique s'en vient dans une 15-20aine de minutes, mais avant ça... On va écouter Sunset Rubdown. Voici la pièce Idiot Heart. Ah, Assemblage Requis. Au 89.1 FM. Ça avait presque l'air pas pire, ça, comme interaction. On s'en vient pas si pire. Ça s'en vient tranquillement. Ouais. Look at you go. une partie de moi qui manque vraiment. T'es parti et depuis, je me demande, je vais continuer comment. C'est correct, tu t'es menti, je me suis menti aussi. Tout ça c'est du passé, pourtant je reste là accroché. Je voyage, je suis toujours à même page. Je sais plus voir la beauté avec toute la peine que j'ai. Mais sûrement que dans un temps s'effacera notre histoire comme une gloire qui s'envole des mémoires. En attendant, le monde tourne fort. En attendant, je m'en remets pas. Vincent Vallière et le monde tourne fort à Assemblage Requis. Oui, c'est la pièce titre de son nouvel album qui va être disponible demain, hein, le 1er septembre. Demain, c'est le lancement du... Ben, en fait, c'est la sortie magasin du nouvel album de Vincent Vallière. Puis cette pièce-là, c'est la pièce titre de l'album. Et puis c'est une pièce aussi sur laquelle a participé Louis-Jean Cormier de Carquois. C'est la seule pièce, je crois, sur l'album où il y a une collaboration de Louis-Jean, mais aussi Marie-Pierre Arthur qui a fait des voix sur tout l'album de Vincent Vallière. Ah, ça devrait être bon, ça. Ouais, des nouvelles collaborations. On n'est pas habitué vraiment de voir ces groupes-là ensemble. Carquois, Vincent Vallière, je n'avais jamais pensé qu'il pouvait avoir une chimie. Ouais, mais finalement, apparemment, oui. Et autre chose par rapport à Vincent Vallière, ici, assez fou, mardi prochain, en direct dans l'émission Le Dîner de Con, entre 11h et 13h, Danny Janvier et André Baudet vont recevoir Vincent Vallière en studio, donc il va falloir être à l'écoute. C'est mardi qui s'en vient, pas demain, mais mardi l'autre après. Là. C'est le mardi qu'après, c'est ce que je te dis. Le 8 septembre. C'est ça. Entre 11h et 13h, au Dîner de Con. Et voilà. Vincent Vallière. Il nous reste un autre dernier bloc musical avant de passer à la chronique d'actualité politique avec François Landry. On vous en parlera en détail tantôt, mais avant ça, on s'en va entendre une pièce d'Orange Orange. Oui, c'est le nouvel album qui s'appelle Sors-moi de Orange Orange. On écoute la pièce Montréal à moi. Et ça se passe tout de suite à Assemblage Requis, l'émission du retour entre 15h et 17h avec Kiwan et Mathieu. Ça, tu voulais dire par une intro qui commence avec des bruits, hein, c'est à peu près celle-là. Hein. Ouais, c'est un petit peu long, mais à la cheve. Wow. C'est le fun, ça met une ambiance, tu sais. Oh. Moi, tu chantes une petite chanson. Tu vas t'endormir. Ça s'en vient, là, ça s'en vient. Oh. Des

Bon, c'est pas si pire. Là. Il y a pire fucké dans la vie quand même. Ouais, ça, regarde-toi. Vous êtes toujours à l'Assemblage Requis, l'émission du retour assez fou. On est toujours là, Kiwan et moi, jusqu'à 17h. Mais maintenant, c'est l'heure de recevoir notre premier invité de la série Assemblage Requis. Et ça va être quelque chose. On va parler de politique. Et Kiwan et moi, on n'est pas super renseignés en politique, disons. On est un peu néophytes, mais on est très intéressés par contre. Ouais, donc François Landry, bonjour. Bonjour, vous deux. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oui, de la politique, comme vous dites, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à la politique, à la chose politique. Et pourtant, année après année, on va en élection. Juste cet automne, une élection assurée au municipal et probablement aussi au fédéral. Donc, on n'a pas le choix de vivre avec la politique. Donc, faut aimer la politique. On n'a pas le choix. Et ta chronique, ça va être deux fois par semaine, les lundis et les mercredis. Exact, oui. Ça va ressembler à quoi? Ça sera toujours à caractère informatif. Donc, je reprends l'actualité politique. Surtout, non pas les garanties dans les journaux, parce que tout le monde lit à un moment donné le Journal de Montréal sur le coin d'une table ou peu importe. Chez McDonald's. Arrête pas ça. Non, mais plutôt dans les blogs des commentateurs politiques, je pense à Chantal Hébert, à José Boileau, José Legault, même Bernard Landry qui a des fois des postes, bref, des commentateurs politiques, journalistiques aussi. Puis moi, je vais en faire une réactualité politique. Donc, je vais vous le donner pour ceux qui ne veulent pas nécessairement aller lire un blog d'un politicien. C'est monde, c'est plate. Mm-hmm. Mais moi, je trippe à lire ça. Donc, Ça va être super. Ça va renseigner les gens sur des choses qu'ils devraient connaître. Au moins, finalement. Au moins. Si je peux convaincre une personne d'aller voter, j'aurai fait mon salaire ici. À ça. Et pas nécessairement de voter pour le parti qui pense qu'il va gagner. Non. Même La Chaise est un très bon candidat à chaque élection. Donc, La Chaise est solide sur ses dossiers, sur ses Sur pattes. Ses roulettes, ben oui. Voilà, donc il faut voter, tout simplement. Et dans cette première chronique aujourd'hui, tu vas nous parler des élections municipales qui s'en viennent à Trois-Rivières. Est-ce que s'est passé cet été par rapport à ça? Oui, monsieur. Le 1er novembre prochain, élections municipales, non seulement à Trois-Rivières, mais dans 1100 communautés à travers le Québec. C'est la deuxième fois que des élections à date régulière, à date fixe, au Québec, une loi tout simplement qui a passé. Donc, à chaque dimanche, le premier dimanche du mois de novembre, élection à chaque 4 ans. On ne peut pas y échapper. Et à Trois-Rivières, ce qui est plaisant de voir, c'est justement la non-campagne politique. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'est pathétique. Si on se compare à Shawinigan, il y a 4 candidats pour la mairie qui se présentent. Il y a un parti politique. Tout le restant des indépendants. À Trois-Rivières, il n'y a aucun parti politique. Il n'y a aucun prétendant à la mairie autre que le maire sortant, Yves Lévesque. Pourtant, il y a des enjeux quand même à Trois-Rivières ici. D'immenses enjeux. Si on pense à Trois-Rivières, la 6e plus grande ville en importance au Québec, autant et culturelle, économique que politique, tout simplement, l'influence qu'elle a. On se targue d'être la ville de la culture, du patrimoine et du développement. On a une université, on a 3 collèges, des écoles, une industrie florissante. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe à Trois-Rivières? Absolument rien. Pourquoi? J'aimerais ça savoir. Pourquoi? Mais par contre, il y a des groupes de pression qui se sont formés au courant de l'été. Je pense entre autres à la formation Force 3R. Okay. C'était à l'origine une idée noble de constituer un parti politique municipal. Donc, un parti politique versus les indépendants comme on l'a présentement, c'est une ligne directrice. On se fait élire en bloc à la mairie, on décide en bloc de ce qu'on fait pour la ville. Il y a de l'opposition partout à Québec, à Ottawa, il y en a des partis d'opposition, pourtant ça fonctionne plus ou moins bien, on s'entend. Québec, de l'opposition, il y a des partis politiques, Montréal aussi, Trois-Rivières, rien. Mais Force 3R est venue au monde pour faire ça, mais Force 3R, c'était au mois de juin que Jacques Lessard, le président autoproclamé du parti, a dit, checkez bien ça, en novembre, Force 3R va faire des ravages. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, il n'y a aucun candidat qui s'est présenté. Mm-hmm. Personne n'ose briguer l'investiture de la mairie. Pourquoi? C'est un peu gênant, faut du courage quand même pour aller. Et voilà, Mathieu, c'est la réponse. Ça prend du courage et politique parce que Trois-Rivières, c'est un village. Tout le monde se connaît à Trois-Rivières. Mm-hmm. Tout le monde connaît le cousin de la matante. Puis tu sais que si tu te présentes, peut-être que tes squelettes vont sortir de ton placard, comme on dit. T'sais. Voilà, voilà. Les squelettes sortent du placard. C'est pas Patrice Lécuyer sort, puis toute la affaire. T'sais. C'est encore là, lui. Ouais. Non, ça ferait un bon maire à Trois-Rivières. Il a un beau sourire. C'est vrai. Mais par contre, ouais, voilà, voilà. Mais oui, ça prend du courage parce que tu te fais pas élire, tu reviens chez vous. T'es tagué contre la maire. Ouais. Donc, essaye d'avoir une subvention après. Essaye d'avoir un détournement, mais une modification à la loi pour un zonage. C'est veut, veut pas, la politique, c'est sale, mais c'est ça. Donc, le parti Force 3R, qui eux autres veulent avoir les 16 sièges de conseillers, plus la mairie, mais qui n'a aucun candidat, veulent tout de même mettre fin à la partisanerie de corridor qu'ils accusent l'évêque de faire, Yves Lévesque, ici. Les poignées de main furtives, les amis, la clique. La clique. Ils veulent mettre fin à ça. Ils veulent plus d'espace de manœuvre pour les conseillers, donc décentraliser le pouvoir à Trois-Rivières. Il y a 16 conseillers, un maire, mais ici à Trois-Rivières, selon eux, il n'y aurait qu'un seul dirigeant, c'est le maire. Les conseillers sont des marionnettes. Ensuite, ils veulent revenir à la base, donc le citoyen qui a un mot à dire à l'Assemblée, et non pas le maire qui parle aux citoyens. Donc, inverser l'ordre des choses, l'ordre de la pyramide. Mais encore là, il n'y a aucun candidat qui se présente Force 3, donc des nobles idées, mais personne pour les amener. Ouais. Agir. Voilà, agir. Et ce qui me désole, honnêtement, c'est de voir justement ce parti-là ne présenter personne parce qu'ils contestent l'autorité du maire, mais en même temps, ils disent on ne présente personne parce que c'est sûr qu'il va se faire élire. Donc, la contestation, où est où là-dedans? Si tu fais juste parler sur papier, ça se fait pas en politique. Il faut être sur le terrain, il faut agir. Même si on est d'accord ou pas avec vos idées, parlez, faites-les savoir, faites-les connaître et on vous jugera le 1er novembre prochain, tout simplement. Mais là, il concède la victoire d'ores et déjà. Donc, c'est ce qui est désolant. Ce qui me désole encore plus, justement, dans la désorganisation politique à Trois-Rivières, c'est justement l'entrain que la population devrait avoir d'aller voter. On devrait être choyé ici en Amérique d'avoir une démocratie, une vieille démocratie de 250 ans, d'aller voter. On a vu à Candahar, il n'y a pas longtemps, 50% de la population a été votée. Ouais, les gens se plaignent parce qu'il pleut ou il neige. Voilà, mais voilà. Oui, la big deal, là, voilà, c'est juste 20 minutes dans ta journée. Là, ben voilà. juste pour revenir en arrière, en 2005, lors des dernières élections, il y avait eu seulement 50% de la population qui ont été votée. Wow. C'est le plus bas taux de participation. Écoutez, à Trois-Rivières, il y a 126 000 de population. Il y a 99 000 électeurs. Là-dessus, il y en a juste 49 qui ont été votés. Incroyable. Donc, une personne sur deux. Dans le studio aussi, là, t'es allé voter, puis moi, je suis pas sûr d'avoir été voté. Merci. Ouais. Puis, lui, non. Non, il veut rien savoir. Il veut rien savoir. Puis, tu sais, c'est ça, je veux dire, à un moment donné, il faut se faire représenter, parce qu'est-ce qu'un vote est vraiment représentatif de sa population s'il y a si peu de gens qui votent? Ben voilà. S'il se fait élire avec seulement 30% de taux de participation, est-ce qu'il y en a qui ont voté pour la chaise? Oui, parce que dans chaque démocratie, tu as le droit de ne pas voter pour la personne, même si c'est tout seul. Donc, tu votes pour la chaise ou le maire. Et dans ce cas de Yves Lévesque, j'ai pas les chiffres avec moi, mais est-ce que sur les 50% qui ont été votés, 50% ont dit oui à Yves Lévesque? Je suis pas sûr. Il y en a certains qui ont voté pour la chaise. Donc, il vient de descendre en deçà de la majorité. Oui, mais tu gagnes quand même dans ce cas-là. La chaise a des votes, mais c'est pas elle qui va gagner. Là. Voilà. C'est... Donc, il y a plus de personnes qui ne veulent pas d'Yves Lévesque. Ou du maire en place ou du conseiller que de personnes qui le veulent. C'est la beauté de la démocratie. C'est aussi, si tu votes pas, ferme-toi là, dans le fond. C'est dommage, mais c'est ça. Dans une démocratie, s'il y avait un taux de participation de 70, 80, 90% comme dans certains États européens, le gouvernement écouterait la population. Ouais, mais au moins ici, tu votes pas pour un dictateur non plus. Voilà. T'es forcé de voter pour lui. Voilà, ben c'est dur à comprendre, voter pour un dictateur. Ouais, c'est un peu bizarre. Tu te fais imposer le vote à la dictature. Comme merci en de voter pour moi. Voilà. Mmh. Tu votes pour moi ou tu perds ta job. C'est ça. Donc, voilà. Donc, c'est ça, 1100 municipalités qui vont voter en même temps. C'est une très grosse logistique. Et on s'entend à ce qu'il y ait des élections fédérales aussi, pas grand temps après. Donc, on pourrait être à Trois-Rivières, deux campagnes électorales en même temps. Ah, les gens vont-tu capoter, hein? Ah, voter deux fois dans une période de 6 mois, c'est genre, non, je sais pas. Voilà. Mais ben là, ça va être dans l'espace de 2 semaines. Ça va être encore pire, mais ça imagine comment pire. Les gens chialaient quand c'était pas tant de temps que ça entre, puis là, ça va être encore pire. Voilà, voilà. Donc, ça va être un très bel automne à perspective. Et puis, bon, on verra ce que ça va donner. Surtout que Trois-Rivières a été quand même échaudé cet été au courant point de vue médiatique. On a eu le 375e de Trois-Rivières. Tout le monde était gentil, tout le monde était beau. Venez à Trois-Rivières. On est capable, nous aussi, de rivaliser avec Québec, votre 400e. On a eu des beaux feux d'artifice, on a eu un grand prix, contrairement à Montréal, qui n'en a pas eu. Donc, on était fiers, sauf que des sondages, par-dessus sondages, qui démontraient que Trois-Rivières, c'était une ville pénible à vivre. C'était désastreux. Il y a eu 3 sondages faits à travers le Canada, dont 2 où Trois-Rivières est analysé. Il y a un 3e où ce que Trois-Rivières n'a pas été analysé parce que ça, c'était vraiment trop loin dans leur champ de compétences. Ouais. Donc... juste dans le classement des villes canadiennes de la nouvelle génération, donc de nous, les jeunes de moins de 35 ans qui plus tard allons avoir les règnes du pouvoir, Il les a interviewés à savoir si votre ville fait bon, où il fait bon vivre et il fait bon travailler. Et Trois-Rivières se classait 26e sur 27. Ah ah ah! Est-ce que l'odeur a quelque chose à voir là-dedans? On ne sait pas. À travers le Canada. À travers le Canada. Voilà, ouais. Voilà. Dans une autre enquête menée par le magazine McLean, Trois-Rivières ne figure même pas dans le palmarès parce que ça répondait pas aux critères, comme je disais. Puis McLean, c'est eux autres qui font d'habitude les grands sondages sur les écoles, quelle est la meilleure école où étudier. Là, ils ont même pas pris en considération Trois-Rivières, donc c'est vraiment pathétique ce côté-là. Et le tout premier sondage que lançait le bal de l'été, c'est au mois d'avril dernier, les villes où la population est la plus heureuse. Trois-Rivières était dernière dans le sondage. Ça fait mal. Ça fait mal. Mm-hmm. Est-ce qu'on sait c'est quoi les critères pour évaluer comment on est heureux dans une ville? C'est ça. C'est là-dessus que Yves Lévesque a sorti justement pour dire « Votre calcul est trop pénible et c'est trop difficile. » Mais bon, je t'illustrerai pas ici à la radio. Le calcul mathématique, j'essaie de le comprendre sur papier, je le comprends pas. Okay. Mais c'est tout simplement un sondage. Est-ce que vous avez beaucoup de bars en ville? Est-ce que vous aimez sortir? Est-ce que le nightlife à Trois-Rivières est intéressant? Le chômage peut-être. Le chômage, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, le transport en commun, les bibliothèques, les radios, les livres, tout ça a été pris en considération. Puis ils ont fait une grande charte avec des... On se classe 25e sur 25. Sauf qu'il y a la ville de Sainte-Julie à Montréal qui arrive 24e, mais avec un centième de point de plus que Trois-Rivières. Donc, mais rendu là, est-ce qu'on veut se battre pour avoir la 24e position? Ben, c'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'on pourrait genre juste augmenter le passe une belle musique, puis on va tomber 24e tout en passant. Tout en partant. Donc, voilà. C'est grâce à ces fous qu'on va monter avec le temps, tu sais, avec les quotidiennes, ça va devenir gros. Il faut. Mm-hmm. Voilà. Ouais. Donc, c'est ce qui fait le tour pour l'instant de l'actualité à Trois-Rivières côté politique. On surveille ça. On a le 18 septembre, la campagne débute. Est-ce que présentement, parce que là, il n'y a vraiment aucune personne qui se présente contre la maire Lévesque, mais exact. Est-ce que la période d'inscription là, ouais. est passée? Est-ce qu'il pourrait encore avoir des candidats? On va entrer dedans. Là, on est dedans pour ceux qui veulent poser leur candidature. Okay. Le DGE, le directeur général des élections, te retourne le formulaire pour dire oui, tu es accrédité. Mais on a juste que... c'est bientôt, dans le fond, ça se termine peut-être la semaine prochaine. Okay. Vous allez voir sur le site de électionsquebec.qc.ca, élection plurielle. Et puis, il y a l'onglet municipal. Ensuite, comment devenir candidat? Tout ce que tu as avoir à faire pour devenir candidat, c'est vivre dans cette ville-là le 1er septembre de l'année de l'élection. Okay. Donc, tu as une adresse ici, tu as plus de 18 ans, tu es un candidat potentiel. Ce serait dur de croire qu'il y a pour au moins une personne à Trois-Rivières qui pourrait faire ça. Là. Mais c'est ce que Yves Lévesque et son équipe craignent, qu'il y ait quelqu'un, un ticoun, qui se présente contre lui pour faire diminuer le taux d'intelligence des discours politiques à Trois-Rivières. C'est ce que le maire Labeaume refuse de faire. Qu'on sait que le Malabombe à Québec n'a pas de candidat contre lui. Et puis, il y a quelqu'un qui voulait se présenter juste pour la démocratie, tout ça. Puis le Malabombe m'a dit, gars, si c'est un innocent, excusez-moi, qui se présente juste pour faire baisser le taux d'intelligence des discours, des débats, il a laissé donc faire à la place. Au moins quelqu'un qui a un certain talent pour ça. Au moins, juste en 2005, il y avait trois candidats de talent qui se présentaient à la mairie de Trois-Rivières. On se souvient de Guy Julien, ancien député du Parti québécois à Trois-Rivières, qui se présentait contre Yves Lévesque. Donc, on s'entend, deux hommes politiques d'envergure intellectuelle qui s'affrontaient. C'était un très beau débat en 2005. Cette année, Yves Lévesque, couronné maire pour les quatre prochaines années. Donc, aucun candidat. Mais si ça te tente, Kéwan, je peux te faire parvenir. Et le financement, tu es payé aussi pour ça. Donc, je vais y penser. Je monte une équipe. Là, puis, Tu es ton co-président. Non. Co-président de quelque chose. Ouais, je pourrais peut-être. Main droite. Ouais. Je me propose peut-être pour poser les pancartes. Si quelqu'un veut poser sa candidature. Je vais fournir les tie wraps. OK. Ça va être déjà bien. Ben, gang, je pense qu'on peut faire de quoi après. Ouais. Bon, ben, on lance un cri à la population. Ceux qui veulent se présenter, l'équipe Assemblage requis. Ah, ben voilà. Écrivez-nous. Voilà, c'est parti. On va gagner. François Landry, on se retrouve donc mercredi à la même heure, 16h20, pour une autre chronique d'actualité politique. Tu veux nous donner un minuscule avant-goût? Oui, élection probable au fédéral cet automne. Ignatieff, aujourd'hui, décide s'il fait tomber le gouvernement ou pas au mois d'octobre. Donc, mercredi, on va savoir s'il fait ou pas. Là, j'aimerais savoir moi-même, c'est des rumeurs seulement. OK. Donc, mais on va avoir une ligne qui pourrait nous orienter. Là. OK. François Landry, merci beaucoup. Ça fait plaisir, monsieur. À mercredi. Nous, on continue en musique avec du Chinatown. On aime ça.

dans le creux de la vague on déraille. Si de l'enfant sage qu'on était ne reste qu'un doux reflet atténué, c'est toujours bon à prendre, ça soulagera nos cendres. Si chaque jour un peu plus on s'imagine pouvoir faire mieux, si c'est un leurre et que je me désole de notre torpeur, de nos aveux, si notre erreur maintenant sonne creux, que nos faiblesses deviennent prouesses, c'est sûrement mieux comme ça, ça nous libère d'un poids. Et on avait pourtant laissé crever l'abcès, un instant sans soucier, sans soucier de ce qui pouvait doucement nous arriver. Qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on s'en foutait. C'est pas pour rien si je le dis, ébloui par la vie, encore aujourd'hui je m'agrippe à tes tripes, tel le tic à sa cloque et le hip à son hop, toujours au milieu de rien qui m'empêchait pourtant de pouvoir juste un instant te regarder. Te regarder. Si par mes gardes on dilapide nos phrases faciles derrière un fil, si on s'oublie encore une fois, c'est bien futile et trop facile. Si entre deux on s'imagine une terre bénigne et moins hostile, on en frissonne des mois, on en tremble déjà. Et on avait pourtant laissé crever l'abcès, un instant sans soucier, sans soucier de ce qui pouvait doucement nous arriver. Qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on s'en foutait. Haven't you heard? The Campbell Apartment est la pièce Long Distance Relationship is a Four-Letter Word. C'est une pièce vétérante des palmarès de C'est fou du côté anglophone. Oui, c'est ce qui termine l'émission d'Assemblage requis pour aujourd'hui. Oui, mais autre que juste la fin de notre première émission qui était absolument merveilleuse comme toujours, hein, on se rappelle que le Slam Poésie... Oui, c'est ce soir à l'embuscade à 20h. Il y a demain à l'émission, on va recevoir Éléphantine. Oui, manquez pas ça, une petite entrevue avec Éléphantine, ça devrait être aux alentours de 16h demain. Et vers les 15h20, il va y avoir une autre chronique CNX. Je vous réserve des surprises là-dedans, ça va être super le fun, c'est demain. Allez voir assemblagerequis.com pour toutes les informations sur l'émission d'aujourd'hui. Et on remercie Vanessa Parietaire. Ben oui, Vanessa Parietaire qui ont fait tout l'enrobage musical ou presque, là, les compositions originales en fait là, de l'enrobage musical qu'on utilise pour l'émission. Ce que vous entendez présentement en fait, c'est Vanessa Parietaire qui l'a composé spécialement pour nous. On les remercie infiniment. On va se quitter d'ailleurs avec la pièce titre de leur album qui s'appelle, ben, pas la pièce titre, la pièce homonyme du groupe. Voilà. Vanessa Parietaire. La pièce Vanessa Parietaire. Je pense que c'est clair. Sinon, ben, on remercie aussi François Landry qui est passé, oui. Danny Janvier à la production sonore, toi Kiwan. moi Mathieu. Puis on vous donne rendez-vous demain à 15h, mais aussi, manquez pas les autres émissions quotidiennes demain matin de 7 à 9. Et de 11 à 13, c'est le Dîner de con avec Denis et André. Et voilà. Bonne soirée, à demain, 15h. Bye bye.